pas de conscience collective, qu'est-ce qui est endormi? C'est l'addition des individualités qui fait le collectif. Puis, ça vient créer, parce qu'on est encore des animaux sociaux, l'illusion. L'illusion qu'on partage. Oui, on baigne dans le même bain. Mais c'est pas vrai, on partage pas la même... Je veux dire, on émet tous des champs différents, puis l'eau qui nous touche est différente. Même si c'est la même eau, ça change d'une personne à l'autre. L'humanité est archétypale dans ses aspects psychiques collectifs. C'est pour ça que, bon, il y a des choses qui se répètent, qu'il y a des atavismes, parce que c'est comme s'il y a de la mémoire collective au sens de l'âme, les lois de l'âme. Puis, c'est pour ça qu'on voit les mêmes problèmes, on voit les mêmes programmes, on voit les mêmes comportements, puis ça se répète. Des fois, à des époques coupées les unes des autres, pourtant, il y a une répétition. Comment est-ce que c'est possible? Ben, c'est enregistré dans ça, la masse psychique collective. Puis, ça, un individu peut pas lutter contre ça. Il peut lutter au niveau d'une territorialité par rapport à son individualité à lui. Mais essayer de fonder un collectif qui va lutter contre ça, c'est quasiment